Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un petit évêché qui, d'une certaine manière, va devenir Rome, dans la mesure où là est le pape, là se trouve Rome. Le Terrier, recensement de la propriété immobilière de l'évêque d'Avignon, des documents sur parchemin, les bulles, les cordelettes de chanvre, les brigands, des soudards qui devaient surveiller la construction des remparts d'Avignon, la chapelle de Benoît XII, où sont déposées les archives, le verger d'Urbain V, la cour pontificale, le foisonnement dans la population d'Avignon de vocations religieuses, la France dans les archives de l'Europe, cette série d'été, avait mené les auditeurs de France Culture en Allemagne, sur les traces des réfugiés protestants après la révocation de l'édit de Nantes, comme en Suède, aux côtés, archives aidant, de la reine Christine. Le 12 août 1982, c'était en France que les archives de l'Europe s'ouvraient. En France, oui, mais dans la Babylone déchirée, ainsi que la nommaient les Romains, dépossédés de leur capitale de la chrétienté. Une émission de Françoise Malétra. Qui n'a pas vu Avignon au temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, les trains des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs. C'était le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des tailleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses et toujours quelques tambourins, car chez nous, quand le peuple est heureux, il faut qu'il danse. Et comme en ce temps-là les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, et l'on y dansait. Dansait. L'heureuse ville, l'heureux temps, des hallebardes qui ne vous transperçaient pas, des prisons où l'on mettait le vin à rafraîchir, jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du Comtat savaient gouverner leur peuple. De tous les lieux appelés à témoigner de l'histoire de l'Occident chrétien, Avignon est après Rome celui qui parle le plus haut. Aujourd'hui encore, le destin exceptionnel qui au début du XIVe siècle fera d'un petit évêché la capitale du monde chrétien et le carrefour de l'Europe politique pendant près de 70 ans, est inscrit dans ses murs, dans ses cours, dans ses rues, dans ses églises. Ville sonnante et résonante, dira Rabelais. Ville choisie par sept papes qui s'y succéderont de 1309 à 1377 pour y assurer leur indépendance de chef de l'Église et conforter leur légitimité. Dans le palais forteresse qu'ils se donneront au cœur de la ville et qu'un grand chroniqueur du Moyen-Âge décrira comme la plus belle et la plus forte maison du monde, une chapelle porte le nom de l'un d'entre eux, l'austère cistercien Benoît XII. Protégé de la trop grande lumière du midi avec une longue galerie qui l'encercle en sa partie haute, elle est ce lieu idéal où il y a exactement un siècle furent regroupées les archives départementales de Vaucluse. Car si la quasi-totalité des archives papales ont depuis longtemps regagné le Vatican, il existe ici des documents que la ville se devait de tenir en héritage, car ils racontent ce que fut la vie quotidienne en Avignon, au temps des papes. C'est là que nous avons rejoint Michel et Anne-Marie Ayer. Ils règnent depuis plusieurs années sur ces archives, dans lesquelles ils lisent en latin à livre ouvert. Ils connaissent tous les faits, tous les personnages, toutes les clés d'une histoire qui commença le 9 mars 1309, lorsqu'après avoir fui les désordres de la curie romaine, le Gascon Bertrand de Goth, premier pape français élu à Rome sous le nom de Clément V, arrive enfin au terme de son long voyage et entre dans la ville, escorté de notaires, de scribes, de chapelains, d'écuyers et de serviteurs, tirant, nous dit-on, tous les animaux de la création. Les documents n'abondent pas pour retracer cette entrée de Clément V, qui dut être assez modeste et n'arbora pas une attitude de triomphateur dans la ville. La ville d'Avignon était une ville assez modeste. Combien comportait-elle d'habitants? Certainement moins de 10 000 habitants, 5 ou 6 000 peut-être. C'était une ville dont la superficie était environ du tiers de ce que nous appelons l'intramuros actuel. D'autre part, elle était déjà divisée en 7 paroisses, et il faut le souligner, ces 7 paroisses subsisteront toutes d'un bout à l'autre du siècle de la papauté d'Avignon. Il n'y aura pas d'accroissement de ce côté-là. Alors, ville assez modeste, qui était entourée de remparts, qui ne lui servait d'ailleurs absolument plus, puisque la ville jouissait d'un état de paix profonde, et ses remparts étaient en grande partie ruinés. Il marquait simplement la séparation de la ville, qui d'ailleurs s'étendait légèrement en dehors. Il y avait quelques faubourgs, avaient commencé à se constituer à base d'habitations modestes, et principalement auprès de foyers d'attraction, qui sont les ordres mendiants. Ce sont des ordres populaires qui veulent, à l'encontre des autres moines, vivre en contact avec le peuple et cherchent donc à s'installer dans les villes. Or, à Avignon, comme en beaucoup d'autres endroits, ils se voyaient repoussés à la périphérie par l'hostilité des curés, qui étaient un peu jaloux de voir ces religieux leur enlever une partie de leur, je n'ose dire, clientèle, enfin disons de leurs fidèles. Est-ce que la population avait réagi d'une certaine manière, a-t-on des documents qui nous le racontent, à l'arrivée des papes? Eh bien, ici, nous avons en main un document qui est assez modeste. C'est un petit carré de parchemin, bien conservé, assez lisible, mais dont l'écriture n'a absolument rien de remarquable. C'est un acte courant, tel qu'il y en a des centaines et des centaines dans tous les dépôts d'archives. Néanmoins, on ne peut pas le lire ou le toucher sans quelque émotion, car c'est en effet le premier témoignage que nous ayons sur le séjour de la papauté à Avignon. Or, ce document, cet acte, pose un petit problème, car il est antérieur à l'arrivée du pape. Il est daté, en effet, du 7 novembre 1308, alors que le pape n'était pas encore à Avignon, il avait simplement annoncé son arrivée. L'année 1308, le 7 novembre, Louis de Peregrosse, vice-official d'Avignon, j'en passe parce que la phrase latine est très compliquée. Il faut C'était du bon latin Oh, c'est un latin moyen. Non, un peu plus, un latin de clerc, disons, mais qui est loin d'atteindre la perfection du latin classique. Eh bien, si vous voulez, il nous met en présence le curé de Saint-Pierre d'Avignon, qui vient se plaindre auprès d'un fonctionnaire de l'évêque, qui est un laïc d'une grande famille avignonnaise, puisque c'est le beau-père de Bernard Rascas, qui lui-même fondera l'hôpital Sainte-Marthe, très célèbre parmi les Avignonnais, puisqu'il a conservé son emplacement jusqu'à nos jours. Et alors ce curé vient se plaindre de ce que des courtisans, on a le terme, quidam cortesani curiae romanae, à l'encontre du privilège qui avait été concédé donc à cette église par le roi Robert. Le roi Robert est comte de Provence, c'est donc le souverain d'Avignon. Donc ces courtisans ont l'intention d'installer dans le dit cimetière de l'église Saint-Pierre des opératoria, c'est-à-dire des sortes de petites échoppes pour l'utilité de la cour. Ces courtisans représentent donc un public de marchands, de commerçants, de changeurs, de banquiers, essentiellement des marchands italiens, en particulier les Florentins, puisque, il faut le souligner, tout le haut commerce de luxe, toute la banque au XIVe siècle est à peu près exclusivement aux mains des Italiens. Alors ces marchands ont donc essayé de trouver des espaces libres, et c'était très difficile puisque la ville était petite, elle était resserrée, les rues étaient fort étroites. Alors que restait-il ? Il restait en général les cimetières comme espaces vacants, et à cette époque-là, on ne se scandalisait pas trop d'y voir conclure toutes sortes de transactions. C'est ainsi que les notaires passaient leurs actes installés dans le cimetière, les commerçants y faisaient des affaires, on allait même jusqu'à vendre du pain sur le mur du cimetière Saint-Pierre, ça nous avons d'autres documents qui font allusion, une boucherie s'était installée tout contre, enfin vous voyez c'était un mélange entre la vie profane et la vie sacrée qui évidemment scandalisait à juste titre les ecclésiastiques. Voici Avignon, l'impie Babylone, l'enfer des vivants, la senti des vices, l'égout de la terre. Ici ni foi, ni charité, ni religion, ni pudeur. Ici, on adore l'argent. Ici, on foule aux pieds la loi divine et les lois humaines. Ici, rien n'est saint. Le livre à la chaîne. Ceci, c'est un registre qui appartient aux archives municipales d'Avignon. Alors c'est un registre assez soigné, vous voyez, il est écrit sur parchemin, il est écrit avec des lettres de couleur. Oui. Alors c'est un livre qui contenait les statuts de la ville. Et à la suite, on y a copié un document fort intéressant pour l'histoire de la ville d'Avignon au temps des papes, qui est la répartition de ce que nous appelons les livrées cardinalis. Alors qu'est-ce que c'est qu'une livrée cardinalis ? Eh bien, lorsque la cour pontificale arrivait dans une ville, c'était valable d'ailleurs pour les siècles précédents et ça a été valable par la suite pour le retour à Rome, il s'agissait de loger non seulement le pape lui-même, mais ses cardinaux qui étaient au nombre d'une vingtaine et qui possédaient chacun aussi leur petite cour à l'image de la cour pontificale. Alors, on leur assignait un certain nombre de maisons qui étaient réquisitionnées et qui était livré à ces cardinaux, d'où ce nom de livré qui s'attache à ces groupes de maisons dont nous avons la liste ici. C'est un droit de réquisition, voilà, exactement. En faveur du cardinal. En faveur du cardinal. Et est-ce que l'on décrit ces maisons ? Non, elles ne sont malheureusement pas décrites. Nous avons sous le nom de chaque cardinal la liste des maisons représentées par leurs propriétaires. Ici, vous voyez, vous avez l'hôtel de feu Guillaume de Spina de l'Épine. Vous avez ici la maison de Pierre Baraille, qui touche au dit hôtel précédent. Ici, un autre hôtel qui est à Jacques Ligne, etc. Alors, les cardinaux donc s'installaient dans ces maisons réquisitionnées. Ils s'y trouvaient souvent fort mal à l'aise, parce que la ville n'offrait pas de grandes commodités. Elle avait peu de demeures luxueuses. Et ce qui se passait, c'est que par la suite, très souvent, le cardinal achetait la propriété de ces immeubles, il les faisait raser, et à leur place, il édifiait un palais, une certaine somptuosité, dans lequel il s'installait beaucoup plus commodément. Quelles ont été les relations entre la cour du pape, la suite du pape, et les Avignonnais ? Je crois que les Avignonnais se sont d'abord réjouis de l'arrivée de la papauté, surtout de la deuxième arrivée, si l'on peut dire, de Jean XXII, qui avait été évêque d'Avignon, il ne faut pas l'oublier, qui connaissait donc fort bien la ville. Et puis très vite, ils ont été submergés. Ils entendaient évidemment tirer des profits de ces locations de maisons. Et très vite, malheureusement, je crois que ce sont les Italiens qui ont pris le dessus. Ce qui fait qu'au début du règne de Jean XXII, dans les documents, vous voyez encore apparaître un certain nombre d'Avignonnais. Sous Benoît XII ou Clément VI, vous avez l'impression qu'ils ont totalement disparu. Rassurez-vous, ils ressurgiront dans les dizaines d'années qui vont suivre. À voir un certain nombre de documents, on se demande s'il n'y avait pas dans la population de la ville, essentiellement deux groupes d'individus, les citoyens de la ville, qui étaient là de leur bon droit, si l'on peut dire, et les courtisans qui avaient été invités par le pape à le suivre. Il y a en particulier, naturellement, les Avignonnais d'origine, qui sont les citoyens, ce sont des gens qui sont nés à Avignon, ou bien qui se sont fait recevoir, qui ont fait inscrire leur nom dans les registres de, on n'ose pas dire de la mairie, puisque ça n'existait pas à l'heure actuelle, mais enfin de la ville. Et d'autre part, tous les autres, tous ceux qui vivent dans le sillage de la cour pontificale sont rassemblés sous la dénomination de courtisans. Ils ont un statut spécial, c'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de la justice de la ville, mais de celle du maréchal qui régit administrativement la cour pontificale. Comment la présence du pape était-elle ressentie dans la population? Est-ce que l'on a assisté très vite à, par exemple, à un foisonnement de vocations? À cette époque, une grande partie de la population entre dans les ordres. Ce sont souvent des ordres mineurs. On reste clerc parce que c'est très commode. On jouit de certains privilèges. C'est-à-dire que quand on commet un délit, que l'on est clerc, on est déféré devant une juridiction ecclésiastique qui est généralement beaucoup plus indulgente que la juridiction civile. Si vous voulez, le spirituel nous échappe en grande partie. Le spirituel, on le découvrirait dans d'autres documents qui sont des documents plus littéraires ou spirituels, des œuvres composées, des sermons. Là où peut-être nous pouvons rejoindre un peu plus le spirituel, ce serait par le biais des testaments. Nous avons malheureusement un nombre qui n'est pas très considérable de testaments conservés dans nos archives ici, dans les fonds religieux, qu'il s'agisse des fonds des églises paroissiales ou des fonds monastiques. Et alors peut-être ces documents, qui sont au nombre de 300 environ pour la ville, nous font-ils un peu plus saisir les objectifs, les ambitions, si je puis dire, spirituelles des gens. Alors là, on est témoin des désirs de fondation, du nombre de messes en particulier que l'on souhaite établir après sa mort, etc. Et un détail peut-être assez curieux, aussi au moment de paraître devant Dieu, eh bien on se soucie de mettre sa conscience en règle et très souvent l'on avoue des dettes. L'on reconnaît avoir conclu tel marché dans des conditions qui sont peut-être un peu frauduleuses, et l'on ordonne à ses héritiers une restitution qui peut être importante. Nous avons ici affaire au terrier d'Anglis Grimoard. Anglis Grimoard est l'évêque d'Avignon. Et il ordonne la confection de ce très beau document vers 1366. Alors le terrier, c'est le recensement de toute la propriété immobilière de l'évêque d'Avignon. Nous voyons un personnage, regardez, qui est assez curieux parce qu'il se dissimule à moitié derrière le cadre qui entoure cette miniature. Oh, il sort même complètement du cadre. Bien sûr, nous n'avons pas conservé son nom n'est pas indiqué, mais je pense qu'il ne peut être autre que le fonctionnaire de l'évêque qui a rédigé ce terrier. Or, c'est un fonctionnaire que je connais très très bien, puisque je vis depuis des années dans ses papiers, si je puis dire. Alors, il s'appelait Sicard Dufraisse, il portait le titre de clavaire de l'évêque, c'est-à-dire c'est son homme de confiance, son comptable, en quelque sorte son intendant, son comptable. Alors nous connaissons énormément de choses sur ce Sicard Dufraisse parce que il a eu la bonne idée de réunir d'abord un tas de notes pour confectionner ce terrier. Et ensuite, au lieu de les laisser disperser, il les a fait recopier dans un gros volume de parchemin qui est conservé également aux archives de Vaucluse, où nous avons des quantités de renseignements sur toutes les démarches qu'il a effectuées pour composer ce livre. Alors nous savons comment il travaillait, il était installé dans une pièce qui était non pas au palais épiscopal, mais dans une maison où étaient réunis plusieurs fonctionnaires pontificaux. Ils faisaient ménage à trois, si je puis dire, ils vivaient en commun, ils avaient un cuisinier, quelques autres serviteurs qui s'occupaient d'eux. Est-ce que ce personnage vous a appris aussi la manière dont il travaillait, dont on travaillait à l'époque, pour constituer un tel document? Oui, grâce à ses comptes, à ses notes diverses qu'il a eu la bonne idée de faire recopier au lieu de les laisser en désordre et qui sont ainsi conservées, nous savons quantité de détails sur l'œuvre de ce fonctionnaire. Nous savons comment il était installé dans sa claverie, puisque c'était le nom qu'il donnait à son bureau. Il possédait auprès de lui une Bible sur laquelle il faisait prêter serment aux chrétiens, et aussi des tables de la loi quand il avait affaire à un juif. Quand il faisait prêter serment à un juif, ça se passait sur les tables de la loi. Il avait aussi des jetons qui l'aidaient dans sa comptabilité. Enfin, il était entouré de tous les registres et documents qui lui étaient nécessaires. Et il a accompli en 3 ou 4 années un travail absolument considérable. Nous avons quitté la chapelle de Benoît XII, où sont déposées les archives dont vous êtes les maîtres, ici à Avignon, au Palais des Papes. Et vous nous avez conduits dans le verger d'Urbain pour parler de ce pape, Urbain V, qui est l'objet de toutes vos préoccupations depuis longtemps et qui va encore pendant très longtemps l'être. Ce pape est un des papes les plus exceptionnels, des 7 papes légitimes qui ont régné sur Avignon. Il était originaire du Gévaudan. Il s'appelait Guillaume de Grimoire. Il a régné de 1362 à 1370. On a dit de lui qu'il a été un pape austère, un pape très savant. On l'a même dit saint. Vous avez avec vous prélevé quelques documents. Ce sont des bulles d'Urbain V. Ce sont des bulles d'Urbain V. Vous avez évoqué ce pape qui, pendant tout son pontificat, eut la nostalgie, en effet, du retour à Rome. Alors, nous sommes ici dans un lieu de promenade et de détente qui lui était particulièrement cher, à l'ombre du Grand Palais, de sa chambre et du quartier pontifical. Mais Urbain V l'avait agrémenté, ce verger, par toute une série de petites constructions aujourd'hui disparues. Série de constructions à laquelle on avait donné le nom de Roma. Et ce nom vient de peintures, de fresques qui décoraient les salles et qui évoquaient très certainement les monuments de la ville éternelle. Alors ces deux documents sur parchemin sont des bulles effectivement, et vous savez que le nom de bulle vient du sceau de plomb que nous lisons ici, n'est-ce pas, appendu à cette lettre de parchemin par une cordelette de chanvre. Cordelette de chanvre parce qu'elle introduit, n'est-ce pas, ce que les diplomatistes appelleraient un caractère de moindre solennité. Dans cette bulle, donc, le pape règle en quelque sorte le régime de l'université d'Avignon. L'université d'Avignon avait été fondée par le pape Boniface VIII, et ici, il s'agit de consacrer l'usage ancien, de faire administrer l'université par un primicier, alors que les étudiants, à l'exemple d'autres universités européennes, comme Bologne, Orléans, Montpellier et Toulouse, auraient souhaité élire un recteur. Alors Urbain V, compte tenu, n'est-ce pas, du souci extrême qui est le sien, de suivre de très près la vie universitaire, veut consacrer cet usage ancien, donc, du primicier chef de toute l'université. Alors, il est vrai que Urbain V était un grand protecteur de l'université, mais est-il tout aussi vrai qu'il allait jusqu'à entretenir sur sa cassette personnelle près de 1500 étudiants au cours de l'année académique ? Mais certainement, Urbain V est le fondateur d'un certain nombre de collèges pontificaux, et c'est en particulier Montpellier, où il avait lui-même enseigné, où il avait fait ses études et où il avait enseigné, qui vit la création de deux collèges, Saint-Benoît et Saint-Germain. Et c'est là, bien sûr, que Urbain V fait entretenir de jeunes clercs et leur permet d'être promus à tout un cursus universitaire et par-delà, à parvenir et à pouvoir briguer tout de même des dignités ecclésiastiques importantes. Et cette autre bulle nous permet de voir comment le pape dispense ici des étudiants de l'Université d'Avignon les dispensent de résider dans leur paroisse, en quelque sorte, dans leur paroisse dont ils ont la cure des âmes, mais avec tout de même la clause canonique qu'il faudra qu'ils nomment un vicaire ou que tout de même la charge des âmes de la paroisse dont ils sont titulaires soit assurée convenablement, canoniquement. Parce qu'on les avait dépossédés de leur chef spirituel, les Romains nommèrent Avignon la Babylone déchirée. La référence est donc constante à Rome. Mais est-ce que les papes, et Urbain V peut-être, n'ont pas été tentés de confondre la capitale administrative qu'était Avignon avec la capitale spirituelle qu'était Rome? Je crois qu'il n'y a jamais eu confusion totale. Avignon constituait en somme pour la papauté d'Avignon une position commode de repli, un lieu tranquille où exercer l'activité administrative de grande centralisation de l'Église. Néanmoins, il n'y a jamais eu confusion entre le lieu sacré que représentait la tombe des apôtres Pierre et Paul et le lieu où se trouvait la cour pontificale. Et en effet, en 1350, lors du jubilé célébré à Rome, nous voyons des Avignonnais se rendre eux-mêmes dans la ville éternelle pour gagner l'indulgence, alors qu'ils avaient, si je puis dire, la vision quotidienne du pape dans leur mur. On sait qu'un des grands desseins des papes d'Avignon, et peut-être même la raison de l'installation des papes à Avignon, a été de convaincre les princes de repartir en croisade. Or, ce sera surtout la préoccupation de Grégoire XI, c'était naturellement celle d'Urbain V. Et l'échec de ce projet était attribué par Urbain V à la faiblesse de l'autorité papale envers la chrétienté. Est-ce qu'on peut voir là une des raisons de ce voyage à Rome qu'il entreprendra, peut-être imaginant qu'il ne pouvait y avoir d'autorité réelle et de prise de décision réelle qu'à Rome? La prédication de la croisade est quand même surtout le fait du successeur d'Urbain V, Grégoire XI, qui eut à cœur, après l'échec de son prédécesseur en 1370, puisqu'il faut bien avouer que face aux factions, aux clans romains et italiens d'une façon assez générale, Urbain V, au bout de 3 ans de résidence à Rome, et surtout dans la région de Rome, puisque l'un de ses principaux séjours était Montefiascone. Eh bien, Grégoire XI lui-même a repris, n'est-ce pas, le projet de réinstallation du Saint-Siège à Rome. Et il en a toujours été retardé par des problèmes financiers, par le problème du harcèlement des compagnies aussi, des grandes compagnies, des routiers, n'est-ce pas, qui assiégeaient la ville d'Avignon et le comtat venaissin, état pontifical. Mais la croisade a été l'un des mobiles aussi du retour à Rome de Grégoire XI. Que sait-on de la personnalité d'Urbain V en dehors du fait que son arrivée à Avignon avait été précédée par une réputation de sainteté? Bien, je crois qu'il faut souligner le fait que Urbain V n'appartenait pas à la curie, il n'était pas cardinal. Et lors de son élection, il faut aller le chercher jusqu'en Italie où il remplissait une mission pour le souverain précédent, Innocent VI. Autrement, sa personnalité peut-être encore nous échappe partiellement. Il reste un peu dans l'ombre. On sait que c'était quelqu'un d'extrêmement pieux, très attaché à remplir ses devoirs religieux, à réciter l'office en compagnie de ses chapelains. Moralement, c'est un homme très intègre, évidemment, très attaché aux lois morales. On peut citer un tout petit exemple qui fera peut-être sourire. Lorsqu'il accordait une indulgence à l'article de la mort à un laïc, il se mit à introduire dans la bulle qu'il concédait alors une clause de bienséance, si l'on peut dire, qui touche un peu à l'histoire de la mode. À ce moment-là, en effet, les vêtements masculins raccourcissaient exagérément et Urbain V introduisit dans ses bulles une condition pour que l'indulgence soit valable. Il fallait que l'homme en question, il s'agissait de laïcs, noble ou non bourgeois, il fallait que ces personnages portent des vêtements descendant au moins au-dessous du genou, sinon l'indulgence n'était pas valable. Je sais que vous vous donnez beaucoup de peine pour ramener la modestie et la décence dans les vêtements. Comment, en effet, supporter sans se plaindre les nouveautés monstrueuses qui s'étalent sous nos yeux? Des souliers pointus comme la proue des galères, des chapeaux à ailes, des chevelures entortillées à longue queue, des peignes d'ivoire plantées sur le front des hommes simulant des femmes. Du si beau cloître de Benoît XII, où l'on voit encore le petit clocher en arcade qui contenait cette cloche d'argent qui annonçait l'ouverture du consistoire, nous sommes passés dans la salle du consistoire, cette salle où se traitaient les grandes questions de la chrétienté, où l'on instruisait les procès en canonisation. Et lorsqu'on est dans cette salle, évidemment, on est tout de suite tenté d'évoquer les grandes années de la papauté d'Avignon, c'est-à-dire les règnes de Benoît XII et surtout de Clément VI. Et il y a en particulier une question, c'est celle de la territorialité des papes en Avignon. Car pendant les 40 premières années de leur séjour, cette ville n'était pas la leur, ils n'étaient pas sur leur propre terrain, ce qui est assez exceptionnel dans l'histoire de la papauté. Oui, la ville d'Avignon, effectivement, est restée même assez longtemps en indivis, partagée entre deux pouvoirs comtaux et celui des deux frères de Saint-Louis au milieu du XIIIe siècle. En effet, les papes ont été, depuis 1274, les souverains de la région d'Avignon et non de la ville elle-même. Le comtat venait saint leur appartenait comme une séquelle de la croisade contre les Albigeois et ses principales villes étaient Pernes-les-Fontaines, Carpentras ainsi que quelques autres évêchés. Il faut attendre en effet cette année 1348, année doublement marquée si on peut dire par cette calamité qui se déchaîna sur toute l'Europe et que l'on appelle la peste noire. Il faut attendre cette année 1348 pour voir. Et voici l'acte de vente. Voilà, c'est un très grand acte solennel sur parchemin. Il s'agit d'une expédition d'un acte notarié dont vous voyez l'initiale de l'invocation. In nomine Domini, très orné, n'est-ce pas, par des décors à la plume. Et cet acte notarié, comme tous les actes notariés du Moyen-Âge, est marqué du signum manuel de deux notaires qui ont instrumenté. Si nous lisons leurs noms, pour le premier, Simon de Bar, qui est un clerc du diocèse de Limoges, et le second, Jean Palaisini, est un clerc du diocèse de Cahors. Voilà donc un aspect encore du caractère cosmopolite un peu de la ville présenté sous le nom de deux notaires. Alors Johanna Dei Gratia, Jérusalem et Sicilie Regina, comtesse de Provence, voilà qu'elle vend au pape Clément VI pour 80 000 florins sa ville. Alors il faut dire qu'elle n'a pas trop tenu compte d'une requête, d'une supplique que le conseil de ville d'Avignon lui avait présentée. Et pour demeurer, le vœu des Avignonnais du conseil de ville était de demeurer à la reine Jeanne, n'est-ce pas, au comte de Provence. Elle n'en a pas trop tenu compte et elle vend sa ville au pape Clément VI. Voilà, et l'on replie l'acte de vente. De Clément VI, qu'il avait été un des plus fastueux de toute la papauté d'Avignon, que sa cour était la plus brillante de toute la chrétienté. Est-ce que vous avez dans vos archives quelques témoignages de la vie au quotidien de ce grand pape ? Nous n'avons malheureusement pas de description conservée dans les registres pontificaux des fêtes de cour, des festins qui pouvaient se donner au palais pontificaux. On a conservé par contre dans une bibliothèque italienne, si je ne me trompe, un petit récit d'un banquet qui fut offert au pape Clément VI par deux cardinaux dans leur maison de plaisance située aux environs d'Avignon, au lieu dit de Pont-de-Sorgue, qui est l'actuel Sorgue. Dès que le cardinal apprit que le pape approchait, il se fit revêtir comme il sied à un tel seigneur, plus richement qu'on ne saurait dire, puis vinrent 50 écuyers de Monseigneur Annibal, habillés de neuf, d'une même livrée en brocart jaune et cramoisi, pour servir devant les tables. Dans la salle où se tenait le festin, les murs étaient recouverts de très fines étoffes de soie. Une magnifique pièce de velours était accrochée sur toute la hauteur de la salle, puis repliée sur le siège du pape en drapé savant. C'était une chose merveilleuse à voir, et de la couleur la plus exquise que l'on puisse concevoir. Les nappes, elles, étaient d'une extraordinaire somptuosité d'or et d'argent tissées et filetées par des mains insignes. Il y eut 9 services de 3 plats, d'une telle diversité que ma mémoire ne saurait les décrire. Après les 3 premiers, on fit un intermède. On vit arriver un château énorme composé uniquement de gibier à poil, un énorme cerf qui paraissait vivant bien que cuit, un sanglier, des chevreuils, des lièvres, des lapins. Il était porté par les écuyers, accompagné par les chevaliers avec des instruments de musique de différentes sortes. Je crois que le son de ces instruments, ajouté aux cris de joie des assistants, se firent entendre jusqu'à Avignon. Ensuite fut apporté le 4e service, et après se présentèrent les clercs qui firent présent à chacun d'une riche bague portant des pierres d'une grande beauté. Puis des hommes posèrent devant le pape une fontaine, avec en son milieu une tourelle qui crachait du vin de 5 côtés, vin de Grenache, vin grec, vin de Beaune, de Saint-Pourçain et du Rhin. À l'issue du 5e service, 10 gigantesques coursiers pénétrèrent dans la salle, montés par 10 chevaliers armés, qui commencèrent un tournoi en une série de combats singuliers et de coups merveilleux. Quand ils eurent pris congé, on entendit les chants de choristes invisibles, d'une douceur exquise qui amenèrent le silence dans toute l'assemblée tant était suave la mélodie qu'ils improvisaient. Ils se turent au moment où on était arrivé au dernier service composé des fruits les plus rares et d'épices de toute variété. C'est alors que le pape se leva de table et, suivi de ses cardinaux, se retira dans la chambre qui lui avait été préparée, manifestement satisfait et de l'humeur la plus gaie du monde. Nous ne sommes peut-être pas tout à fait justes lorsque l'on parle de Clément VI uniquement en termes de pape mécène et fastueux et fort dépensier, car cette gloire qu'il a apportée à Avignon, ce prestige qu'il a donné à sa cour, n'effaçait pas pour autant des mérites de grands chrétiens. Oui, il adopta une attitude très digne au moment d'une terrible épreuve. Je veux parler de la peste noire qui étend ses ravages sur toute l'Europe et qui décime la population. Alors que les cardinaux fuyaient la ville pour se réfugier à la campagne dans des endroits plus salubres, le pape tint à rester à Avignon, là où sévissait l'épidémie. C'est un moment terrible pour la ville. La population paraît tout à fait anéantie. C'est un arrêt net dans l'économie et jamais Avignon ne se relève de cette crise. Les gens mouraient sans serviteurs et étaient ensevelis sans prêtre. Le père ne visitait pas son fils, ni le fils son père. La charité était morte et l'espérance abattue. Thank you. dire, je crois qu'avec la deuxième moitié du siècle s'ouvre une période de calamité pour Avignon. La ville est donc tout à fait désorganisée, sa population a été diminuée dans une très grande proportion. L'immigration est sinon pas suspendue, elle ne le sera jamais, elle continuera aussi au temps du schisme, mais elle est tout de même sérieusement freinée, en particulier peut-être du côté des Italiens. Alors voilà, là-dessus arrive un fait nouveau, c'est la fin, si l'on peut dire, ou tout au moins une accalmie dans la guerre de Cent Ans qui sévissait dans la partie nord de la France. Alors à ce moment-là, les routiers, les bandes de routiers, ces soudards qui avaient été recrutés pour la guerre sont, si l'on peut dire, au chômage. Et que font-ils? Eh bien, ils gagnent des régions qui avaient jusque-là connu la paix, des régions qui sont riches, qui sont très favorisées, où ils espèrent faire des pillages qui leur rapportent énormément. Devant ce péril menaçant de la guerre, il faut donc fortifier la ville qui n'a plus d'enceinte. En réalité, ce n'est pas du tout le pape qui a offert l'enceinte à la ville d'Avignon, ce sont les Avignonnais eux-mêmes qui l'ont payée de leur propre denier. Ceci grâce à une levée d'impôts indirects que l'on appelait les gabelles, qui étaient de trois sortes, l'une sur le sel, l'une sur des marchandises diverses et l'autre sur le vin. Les deux premières ont rapporté assez peu, par contre, celle qui était levée sur le vin a rapporté énormément et a permis de mener à bien la réalisation de cette enceinte. Alors, ce registre abonde en détails de toute espèce. Nous y voyons par exemple, par moment, des listes de noms qui représentent les soudards que l'on avait embauchés pour garder l'enceinte. On les appelait des brigands, on les désignait sous le nom de brigands. Et vous voyez ici des paiements à Guy Ortigue, le capitaine, à Pierre Boqueron, Roland de Plaisance, etc. Vous avez la liste de tous les gens qui faisaient le guet sur les remparts d'Avignon. Grégoire, pape, serviteur de Dieu, à Pedro de Luna, que quelques nations, durant ce misérable schisme, s'obstinent à nommer Benoît XIII. Notre dessein n'est point le pouvoir, mais plus nos droits seront sûrs, plus nous jugerons glorieux d'en faire le sacrifice. J'offre de renoncer à la tiare si vous en faites de même. Benoît XIII, pape, à Angelo Correr, que quelques-uns s'obstinent à nommer Grégoire XI. Je ne suis pas un pape douteux, car si tous les papes élus depuis le schisme sont douteux, les cardinaux qu'ils ont élus le sont également. Je suis le seul pape authentique parce qu'élu avant le schisme. Le seul, si je renonce à la tiare, à pouvoir désigner le nouveau pape. Rien ne m'interdit donc, après le renoncement, à m'élire, moi, de nouveau. Oui. Cette fois, nous sommes vraiment entrés dans le schisme. En effet, ce très grand parchemin, scellé par 12 cardinaux, et vous voyez que ces bourses de tissu protègent les sceaux de cire, n'est-ce pas, de ces cardinaux. Et ils ont été restaurés il y a maintenant une vingtaine d'années à l'atelier des archives nationales. C'est assez piquant, en quelque sorte, de voir la confrontation, d'ailleurs, dans ces sceaux cardinalis, de celui de Robert de Genève, futur pape Clément VII, et celui de Pedro de Luna, cardinal d'Aragon, futur Benoît XIII aussi. Il s'agit du manifeste d'Anagni. Ce manifeste d'Anagni est daté du 2 août 1378. Et par ce document, on sent que le vent de la rébellion va se propager, se développer au sein du parti français dans le Sacré Collège. L'élection de Barthélemy de Prignano, archevêque de Naples, a eu lieu au Vatican en avril 1378. Mais très vite, il a été abandonné par l'ensemble des cardinaux. Aux deux tiers, le Sacré Collège comprenait des cardinaux d'origine française ou limousine, n'est-ce pas? Mais ici, le manifeste d'Anagni va souligner tout le caractère de violence qui a marqué le conclave d'avril 1378. Et une semaine après, le pape Urbain VI sera véritablement déposé dans la cathédrale d'Anagni. Alors c'est ici, nous voyons une lettre par laquelle Clément VII fait part aux Avignonnais de son élection. Ces encoches que vous voyez sur le parchemin signifient que cette lettre était pliée, elle est arrivée, c'était une lettre close, elle est arrivée fermée à Avignon et elle a été ouverte seulement à son arrivée. La lettre comporte une bulle, mais cette bulle n'était pas la bulle ordinaire, c'était la bulle que l'on utilisait avant le couronnement, entre l'élection et le couronnement. Et voici le premier document de Benoît XIII, qui a posé énormément de problèmes à la ville et qui surtout a consommé le divorce de la ville avec la papauté. Entre Avignon et la papauté. Vous voyez, entre Avignon et la papauté, c'est un peu une histoire d'amour, mais une histoire d'amour à sens unique, où les Avignonnais sont peut-être les amoureux et le pape l'être aimé de qui l'on attendait bienfaits, mais qui ne sont pas toujours répandus très généreusement sur la ville. Mais avec les derniers papes, Clément VII et surtout Benoît XIII, c'est un divorce qui va se préparer. Il y a d'une part une influence française qui se fait grandissante, les difficultés dues au schisme, cette ville très houleuse, si l'on peut dire, où les cardinaux eux-mêmes sont partagés. Et l'on en arrivera à une situation de crise qui amènera le premier siège qui se déroulera au palais pontifical. Oui, alors évidemment, le sort de Benoît XIII, enfermé, captif en quelque sorte dans ce grand palais d'Avignon, s'est fait par étapes. On connaît très bien, n'est-ce pas, la fameuse soustraction d'obédience. Pour avoir violé son serment, scandalisé l'Église universelle, entretenu et protégé le schisme, empêché la paix et l'unité de l'Église, nous déclarons Benoît hérétique. Le roi Charles VI, la cour de France, les princes ont longtemps soutenu, bien entendu, celui qu'on a appelé l'irréductible aragonais. Ce dernier grand document sur parchemin, qui est aussi un acte notarié, avec un beau saint manuel de notaire, nous permet d'accéder à cette quasi dernière étape de la captivité de Benoît XIII. En fait, c'est ici deux chefs de bande qui ont écumé tout le comtat venaissin au profit de Benoît XIII dans cette attitude de résistance. Il s'agit de Refortia et de Foulque d'Agoult, et ils finissent par se rendre, par reconnaître l'arbitrage qu'un cardinal et le sénéchal de Provence ont rendu, et ils acceptent de cesser les hostilités qu'il menait en faveur de Benoît XIII, moyennant 6000 florins. Cet acte est daté de Château-Renard, nous sommes là presque aux portes d'Avignon, mais toutefois en Provence et après avoir franchi la Durance. Et nous rappelons bien sûr que ce comté de Provence, appartenant toujours bien sûr au roi de Naples, a formé l'un des derniers îlots de résistance qui était un peu favorable au pape Benoît XIII. N'oublions pas que au-delà de cette date de 1399, sorte de compromis, de capitulation de ses frères d'Agoult, eh bien, le pape va quand même rester enfermé et assiégé dans son palais jusqu'en mars 1403. Est-ce que les papes qui ont régné à Avignon ont eu conscience que, en fait, ils ne vivaient, ils n'étaient les acteurs ou les instruments que d'une péripétie de leur histoire? Je ne sais pas si nos papes avignonnais ont vu aussi loin. Il est certain qu'ils n'ont jamais oublié la présence de la tombe des apôtres Pierre et Paul à Rome. Ça, c'est certain. Avignon n'a jamais été la capitale spirituelle de la chrétienté. Elle s'est contentée d'un rôle plus modeste, administratif, fort commode. C'est aussi une grande époque pour l'Église, puisque l'Église, étant au calme, a pu bénéficier de conditions exceptionnellement favorables pour réorganiser ses institutions et pratiquer une très grande centralisation. Était-elle un bénéfice ou un inconvénient pour l'Église? La question n'est pas résolue. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie, moi, Catherine, servante et esclave, je vous écris dans son précieux sang avec le désir de vous voir sans aucune crainte servile, à l'exemple du doux Jésus dont vous êtes le vicaire. Mon doux Père, vous me demandez mon avis sur votre retour et je vous réponds, venez. Ne vous arrêtez pas aux contradictions que vous rencontrez, mais venez en homme courageux et sans crainte, et surtout gardez-vous bien pour l'amour de la vie, de venir avec un entourage militaire, mais venez la croix à la main, comme le doux agneau. En agissant ainsi, vous accomplirez la volonté de Dieu. En venant d'une autre manière, vous la transgresserez et ne l'accomplirez pas. Rassurez-vous, mon père, et réjouissez-vous. Venez, venez. Texte lu par Nicolas Silberg. Réalisation Eliane Millot. Première diffusion sur France Culture le 12 août 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.